pepe avec l'international Samangwana et Kuruyaka Papa Wemba à Paris. Moto nyonso wana mokili azali na droit ya koeme. Moto nyonso na la vie azali na molongani na ye. Eko mama se bongo na mate ya toko yo kaka. Toninga na chérie, peto yo kana. Tosali sana na manso loko la bana baboti moko. Patron de main, tu vois, ça c'est la musique à papi bébé à Paris avec l'international Samangwana et les kourou kourou yaka papa Wemba. Dans la vie, tout vient à point à qui sait attendre. Rome n'était pas faite dans les jours. Boloko et Zalili Badete. Diwanangaï bébé. Et qu'on a la victoire à Bambata.